d'un coup ou le hardi petit tailleur. De bonne humeur et piquant l'aiguille avec enthousiasme par un beau matin d'été, un petit tailleur était au travail, assis sur sa table devant la fenêtre. Vint une paysanne qui descendait la rue en criant « À la crème ! À la crème ! À la botte crème fraîche !» Cet appel chatouilla fort agréablement les oreilles du petit tailleur qui passa sa tête menue par la fenêtre pour l'appeler. « Par ici, ma bonne dame ! Vous avez amateur !» La femme grimpa les trois marches qui menaient à la petite échoppe du tailleur avec son lourd panier qu'elle dut vider complètement pour lui montrer tous les pots qu'elle avait. Il les examinait les uns après les autres, les soupesait, les reniflait d'une narine attentive et finalement il lui dit « La crème m'a l'air excellente, ma bonne dame. Vous pouvez m'en mettre 4 demi-onces, bon poids, et même si vous arriviez jusqu'au quart de livre, ça ne me ferait rien. » La femme, qui avait pensé avoir trouvé un client pour le tout, lui donna ce qu'il voulait et s'en alla en bougonnant de colère. « Dieu bénisse cette crème !» s'exclama le petit tailleur gourmand, « et qu'elle me donne force et vigueur !» Il tira le pain de l'armoire, s'en coupa une tranche sur toute la grande largeur et la tartina de crème. « Cela ne sera vraiment pas mauvais, » dit-il avec satisfaction, « mais il faut d'abord que je termine cette veste. » Il posa la tartine à côté de lui et se remit à coudre, si content et si impatient qu'il tirait des points de plus en plus grands. La bonne odeur de la douce crème, pendant ce temps, était montée aussi le long des murs où il y avait une quantité de mouches qui se mirent à bourdonner et vinrent s'abattre en noirs essaims dessus. « Hola, hola, hola ! Qui vous a invité ?» leur lança le petit tailleur en chassant d'un revers de main ses hôtes importuns. Mais les mouches, qui ne comprennent pas le français, ne se laissèrent pas décourager pour si peu et y revinrent plus nombreuses que jamais. Le petit tailleur perdit patience à force et finit, comme on dit, par prendre la mouche. Après cet assaut, quand il dénombra les morts, il n'en compta pas moins de 7 qui gisaient devant lui, les pattes en l'air. « Oh, quel type tu fais !» s'exclama-t-il en s'admirant et en s'émerveillant de sa bravoure. « Il faut que toute la ville le sache !» Sans attendre, il se tailla et se cousit une belle ceinture sur laquelle il broda en grosses lettres capitales « 7 d'un coup !» Mais que m'importe la ville ? C'est le monde entier qui doit le savoir ! Reprit-il en pensant à son exploit. Et son cœur lui battait de joie comme la queue d'un petit agneau. Il passa sa ceinture fièrement pour aller courir le monde, car son échoppe l'étouffait maintenant et lui paraissait bien trop petite pour contenir sa bravoure. Avant de partir, toutefois, il fouilla son habitation pour voir ce qu'il pourrait bien emporter avec lui. Mais il ne trouva en tout et pour tout qu'un vieux bout de fromage qu'il fourra dans sa poche. En passant la porte, il vit l'oiseau qu'il avait en cage et le fourra dans sa poche aussi avec le fromage. Puis il se mit en route en allongeant fièrement le pas. Et comme il était léger et agile, il ne se fatiguait pas. Sa marche le conduisit sur une haute montagne dont il gravit les pentes. Et quand il arriva tout en haut, sur le plus haut sommet, il se trouva devant un énorme géant qui était là, assis, et qui contemplait placidement le paysage devant lui. « Salut, camarade !» lui lança le petit tailleur. « Alors, on contemple le vaste monde ? Moi, je viens tout juste de me mettre en route pour aller à l'aventure. » « Cela te dirait-il de m'accompagner ?» Le géant le considéra dédaigneusement et dit « Minable avorton, pauvre guenille !»« Vraiment ?» dit le petit tailleur en ouvrant sa veste pour laisser voir sa ceinture au géant. « Là, tu peux lire quelle sorte d'homme je suis !»« 7 d'un coup !» lut le géant. Et croyant qu'il s'agissait d'homme que le tailleur avait tué, il accorda au petit homme un peu plus de considération. Un tout petit peu seulement, car il voulait d'abord le voir à l'épreuve. Il ramassa donc une pierre et la serra si fort dans sa main qu'il en fit sortir de l'eau. « Fais-en autant, si tu as la force !» lui dit-il. « C'est tout !» fit le petit tailleur. « Mais c'est un jeu d'enfant pour nous autres !» Et il prit dans sa poche le vieux bout de fromage mou qu'il avait et le pressa si bien qu'il le fit suinter. « Et voilà !» dit-il. « C'était tout de même un peu mieux, non ?» Le géant ne savait plus que dire et ne savait non plus que penser de ce petit homme. Il n'en croyait pas ses propres yeux. Alors il prit une autre pierre et la lança si haut qu'on ne la voyait plus d'en bas. « Bien lancé !» commenta le petit tailleur. « Mais la pierre est quand même retombée. Tandis que moi, celle que je vais lancer, elle ne retombera plus du tout. » Il empoigna l'oiseau qu'il avait en poche et le lança en l'air. Tout heureux de sa liberté, l'oiseau fila à tire-d'aile et ne reparut plus. « Qu'est-ce que tu penses de ce coup-là, camarade ?» demanda le petit tailleur. « Tu t'y connais où lancer ? Je dis pas, » reconnut le géant. « Mais à présent, il s'agit de voir si tu es capable de porter réellement quelque chose. » Et il emmena le petit tailleur jusqu'à un énorme chêne qui était couché sur le sol. « Si tu as la force, » dit le géant, « aide-moi à sortir cet arbre de la forêt. » « Volontiers, » répondit le petit homme. « Tu n'as qu'à te charger du tronc, c'est le plus facile. Et moi, je porterai les branches avec le feuillage parce que c'est le plus lourd. » Le géant chargea le gros tronc sur ses épaules, tandis que le tailleur s'asseyait tranquillement sur une branche de l'arbre. Le géant, qui ne pouvait pas se retourner sous sa charge, porta et traîna l'arbre tout seul, sans le savoir, et le petit tailleur par-dessus le marché, qui se trouvait fort bien où il était et qui sifflait joyeusement pour bien montrer à l'autre que porter une telle charge n'était qu'un jeu pour lui. Épuisé, au bout d'un moment, par cette charge énorme, le géant voulut souffler un peu et annonça « Attention, je vais laisser tomber !» Vivement, le tailleur sauta à bas de sa branche et s'écarta les bras levés comme s'il venait de lâcher sa charge. « Alors quoi ? » dit-il au géant. « Un grand gaillard comme toi ! Tu n'es même pas capable de porter un arbre à bon coup !» Ils laissèrent l'arbre où il était et continuèrent ensemble à marcher. Ils arrivèrent bientôt devant un cerisier et le géant, voyant que les plus belles cerises se trouvaient sur les plus hautes branches, empoigna le cerisier par le haut et le courba jusqu'au niveau du petit homme pour le lui donner à tenir et pour qu'il pût manger de ses cerises tout à son aise. Mais quand le géant le lâcha, le petit tailleur, qui était évidemment trop faible pour maintenir l'arbre ployé, fut jeté en l'air et voltigea dès l'instant que l'arbre se redressa. Agile et léger comme il l'était, il réussit néanmoins à retomber sans mal un peu plus loin. « Comment ? » s'étonna le géant. « Une mince gaule comme celle-là ! Tu n'es pas assez fort pour l'empêcher de se détendre !»« Oh ! C'est pas la force qui manque, figure-toi !» répondit prestement le petit tailleur. « Qu'est-ce que c'est pour quelqu'un qui en abat sept d'un coup ? Mais j'avais aperçu des chasseurs qui tiraient dans le taillis, là-bas dessous, et j'ai sauté par-dessus l'arbre pour aller voir. Voyons un peu si tu serais capable d'en faire autant. » Le géant essaya bien de sauter par-dessus le cerisier, mais il ne réussit pas à le franchir et resta accroché dans ses branches. Cette fois encore, le petit tailleur avait été le plus fort. « Du moment que tu es un si fameux gaillard, » dit le géant, « tu vas venir chez nous passer la nuit dans notre caverne. » « Entendu, » déclara le petit tailleur. Et il le suivit. Dans la caverne, quand ils y arrivèrent, il vit d'autres géants assis autour du feu et qui mangeaient, chacun tenant dans sa main un mouton rôti. Le petit tailleur jeta un coup d'œil à la ronde et constata pour lui-même « C'est quand même plus spacieux ici que dans mon échoppe !» Son géant lui montra un lit et l'invita à s'y coucher en lui souhaitant bonne nuit et bon sommeil. Mais ce lit était bien trop grand pour lui. Au lieu de se coucher dedans, le petit tailleur se recula dans un coin où il se blottit tout au fond. Vers minuit, pensant que le petit tailleur était profondément endormi, le géant se leva, empoigna une énorme barre de fer et l'abattit en plein sur le lit, sûr et certain d'avoir réglé le compte de cette sauterelle une bonne fois pour toutes. Quand les géants au petit jour quittèrent la caverne pour gagner la forêt, ils avaient complètement oublié l'existence du petit tailleur, jusqu'au moment qu'il leur apparut soudain, venant vers eux tout guiré, tout joyeux. Épouvantés à sa vue et redoutant qu'il ne les tuât tous, ils prirent la fuite et ils courent encore. Sans souci, le nez au vent, le petit tailleur continua son voyage et se promena un bon bout de temps par monts et par vaux avant que d'arriver dans le parc d'un palais royal. Tranquillement, se sentant un peu las, il s'étendit sur le gazon et s'endormit. Les gens sont curieux et pendant qu'il dormait, il y en eut pas mal qui vinrent l'examiner sous toutes les coutures et qui prirent ainsi connaissance des 7 d'un coup qu'il portait écrit sur sa ceinture. « Oh !» se demandèrent-ils, « que vient faire chez nous un si fameux héros en pleine paix? Ce doit être un grand et puissant seigneur !» Et ils coururent avertir le roi, en se disant que si jamais la guerre venait à éclater, un tel homme serait d'un puissant et utile secours, et qu'il ne fallait par conséquent le laisser repartir à aucun prix. Le roi fut de leur avis, et dépêcha au petit tailleur l'un des grands seigneurs de sa cour qui devait attendre son réveil pour lui offrir d'entrer dans l'armée. Le messager demeura à côté du dormeur et attendit qu'il s'étirât les membres et ouvrit les yeux pour lui transmettre l'offre du roi. « C'est justement pour cela que je suis venu, » répondit-il. « Je suis prêt à entrer au service du roi. » On le reçut avec de grands honneurs et il eut sa propre maison. Mais les autres guerriers, jaloux, auraient voulu voir notre petit tailleur aux mille diables. « Si jamais on se prend de querelle avec lui, qu'est-ce qui va se passer? Il nous tombera dessus et à 7 d'un coup, il ne restera bientôt plus aucun d'entre nous. » Ils tinrent conseil et décidèrent à l'unanimité d'aller donner leur démission au roi. « Nous ne sommes pas de taille à fréquenter un homme qui en abat 7 d'un coup, » lui dirent-ils. Le roi déplora fort amèrement de perdre ainsi tous ses fidèles serviteurs par la faute d'un seul homme, qu'il souhaitait maintenant ne jamais avoir vu et qu'il eût aimé pouvoir renvoyer d'où il venait. Mais il n'osa pas lui donner son congé, craignant que, dans sa colère, il ne le tuât lui-même et avec lui tout son peuple à la fois, pour s'emparer du trône. Il y réfléchit en long et en large pour finalement trouver une solution. Il envoya dire au petit tailleur, puisqu'il était un si grand héros, qu'il avait un service personnel à lui demander. Dans une certaine forêt de son royaume, gîtaient deux géants qui multipliaient les meurtres et les crimes, les vols et les incendies, et qui étaient pour tous une véritable calamité. Personne ne pouvait vivre dans leur voisinage sans être en perpétuel danger de mort. Si donc il pouvait, lui, vaincre et tuer ces deux géants, le roi lui donnerait sa fille unique en mariage et, comme dot, la moitié du royaume. 100 cavaliers l'accompagneraient dans son entreprise pour lui servir de renfort. Voilà qui serait quelque chose pour un homme de ton espèce, pensa le petit tailleur. Une belle princesse et la moitié d'un royaume, oh, ça ne se trouve pas tous les jours. Et il donna sa réponse. Mais bien sûr, dit-il, je vais mettre un peu ces deux géants à la raison, et je n'ai nul besoin pour cela des 100 cavaliers. Qui est capable d'en abattre 7 d'un coup n'a rien à craindre de deux. le petit tailleur partit donc en expédition, suivi des 100 cavaliers comme escorte. À la lisière de la forêt, il se retourna et leur dit « Vous n'aurez qu'à m'attendre ici. Je n'ai besoin de personne pour en finir avec les deux géants. » Puis il entra sous le couvert et se mit à regarder attentivement autour de lui. Au bout d'un moment, il aperçut les deux géants. Ils étaient couchés sous un arbre, dormant et ronflant à en faire bouger les branches. Sans paresser, le petit tailleur s'emplit les poches de cailloux et grimpa sur l'arbre. À mi-hauteur, il s'avança à califourchon sur une branche jusqu'à ce qu'il se trouvât juste au-dessus des dormeurs, se cacha bien et lâcha un premier caillou sur la poitrine d'un des géants, puis un second caillou et un autre et un autre. Pendant un bon moment, le géant ne s'aperçut seulement de rien. Mais, à force, il se réveilla, poussa son compagnon d'un coup de coude et lui dit « Qu'est-ce que tu as à me frapper ?»« Tu rêves, dit l'autre, je ne t'ai pas frappé. » Ils se recouchèrent tous les deux et se rendormirent. Alors le petit tailleur laissa tomber un caillou sur le second géant. « Qu'est-ce que c'est ? » cria celui-ci. « Qu'est-ce qui te prend de me frapper ?»« T'es pas frappé ?» grommela le premier géant. « Pas du tout !» Ils se querellèrent quelque peu sur le sujet, mais comme ils étaient fatigués, ils finirent par se recoucher et s'endormir. Le petit tailleur se remit à son jeu et, choisissant cette fois le plus gros caillou qu'il avait, il le jeta de toutes ses forces sur la poitrine du premier géant. « Oh ! Ce coup-ci, c'en est trop !» hurla le géant en se jetant comme un fou furieux sur l'autre géant qu'il projeta contre l'arbre avec une telle force que l'arbre en trembla. Le second se rua contre son adversaire avec autant de fureur et ils se battirent dans une rage si féroce qu'ils arrachaient les arbres pour s'en frapper, prolongeant leur duel tant et si bien qu'ils tombèrent finalement l'un et l'autre frappés à mort. Le petit tailleur redescendit alors prestement de son arbre tout en se disant « C'est encore une chance qu'ils aient laissé debout l'arbre sur lequel j'étais. » Sinon, il m'eût fallu sauter comme un écureuil d'un arbre à l'autre pour survivre. Mais on est leste dans ma corporation. » Pour plus de sûreté, il tira son épée et l'enfonça à 2-3 bonnes reprises dans la poitrine de chaque géant. Après quoi, il rejoignit ses cavaliers et leur dit « L'opération est terminée. Ils ont reçu chacun leur coup de grâce. » Mais cela ne s'est pas passé sans mal. Ils ont arraché les arbres dans leur désespoir pour essayer de se défendre. À quoi bon tout cela quand on a affaire à quelqu'un comme moi, qui en abat 7 d'un coup ? N'êtes-vous pas blessé ? Demandèrent les cavaliers. Oh, pour moi tout va bien, répondit le tailleur. Ils n'ont pas pu toucher un seul cheveu de ma tête. Le voyant indemne, en effet, les cavaliers n'arrivaient pas à le croire. Ils entrèrent donc à cheval dans la forêt, où ils trouvèrent les deux géants qui baignaient dans leur sang, gisant au milieu des arbres arrachés. Le petit tailleur s'en revint réclamer au roi la récompense promise. Mais le roi, qui regrettait maintenant ce qu'il avait dit, ne chercha qu'un nouveau moyen de se défaire enfin de ce héros. « Avant de recevoir ma fille et la moitié du royaume, dit-il, il faut que tu accomplisses un autre exploit. » Il y a une licorne qui court dans les forêts et qui commet de grands dommages. Il faut que tu t'en empares. D'une licorne, répondit le petit tailleur, je m'effraie encore moins que de deux géants. 7 d'un coup, c'est ma devise. Il se munit d'une hache et d'une corde pour partir vers la forêt, suivi de son escorte, à laquelle il donna encore l'ordre de l'attendre sur la lisière quand ils y furent arrivés. Et il entra tout seul, comme la première fois, dans la forêt sauvage. Il n'attendit pas longtemps, car déjà la licorne arrivait, fonçant sur lui tête baissée et comme pressée d'en finir avec lui. « du calme, dit-il, ça ne vaut rien d'aller si vite. » Et il attendit, sans bouger, jusqu'au moment que l'animal fut prêt à le toucher, s'escamotant alors lestement derrière un arbre. lancée de toute la vitesse de son galop, la licorne embrocha l'arbre et enfonça sa longue corne si profondément dans le tronc qu'elle n'eut pas la force de l'en retirer et en resta prisonnière. « Je le tiens, mon petit oiseau !» dit le tailleur qui sortit de derrière son arbre pour passer la corde au cou de la licorne, puis dégager sa prisonnière de l'arbre à coups de hache. Après quoi, il la mena devant le roi. Mais cette fois encore, le roi recula au moment de tenir sa promesse et mit une troisième condition à l'obtention de la récompense. Le tailleur devait, avant le mariage, capturer un sanglier qui mettait le saccage et la dévastation dans la forêt. Les chasseurs lui feraient escorte cette fois. « Volontiers !» dit le tailleur. « Ce n'est qu'un jeu d'enfant !» Il ne voulut pas des chasseurs avec lui dans la forêt. Et ceux-ci en furent bien contents, parce que ce sanglier les avait à maintes reprises suffisamment malmenés pour leur ôter toute envie de le reprendre en chasse. Le sanglier chargea, dès qu'il eut aperçu le petit tailleur, galopant sur lui, les défenses pointées et le groin écumant, voulant le culbuter sur le sol. Notre héros, dans sa fuite légère, sauta dans une chapelle qui se trouvait là et, d'un bond, en ressortit par la fenêtre. Le sanglier, sur ses talons, s'était jeté dans la chapelle, tandis que le petit tailleur, faisant le tour au dehors, s'en revenait bien vite fermer sur lui la lourde porte. Le fauve en fureur se trouva prisonnier, bien incapable qu'il était de sauter lui aussi par la fenêtre à cause de son poids énorme et de sa maladresse. Le petit tailleur appela alors les chasseurs, qui n'eurent plus qu'à constater de leurs yeux que la bête était prisonnière. Et il se rendit lui-même chez le roi, qui n'eut plus, cette fois, qu'à tenir sa promesse, bon gré ou mal gré, et à donner sa fille et la moitié de son royaume à ce héros. Mais s'il avait su que c'était un petit tailleur, en vérité, il eût eu encore plus de peine à se décider. Les noces furent donc célébrées avec un faste d'autant plus grand que la joie était petite, et ce fut ainsi que d'un tailleur fut fait un roi. Après un certain temps, la reine entendit son époux parler en rêve la nuit. « Gamin, disait-il, finis-moi cette veste et reprise le pantalon, sinon je vais te passer l'onde sur les oreilles. » Comprenant de quelle extraction était le jeune héros, elle alla confier son chagrin à son père le lendemain et le supplia de lui enlever ce mari qui n'était rien d'autre qu'un tailleur. « Laisse la chambre à coucher ouverte la nuit prochaine, » lui dit le roi en la consolant. « Mes serviteurs attendront dehors, et quand il sera endormi, ils entreront, le ligoteront et le porteront sur un vaisseau qui l'emmènera au loin. » La jeune femme s'en réjouit, mais l'écuyer du jeune héros, qui était très attaché à son maître, avait tout entendu et le prévint de ce qui se tramait. « Ce n'est pas encore fait !» dit le petit tailleur. « Je leur mettrai des bâtons dans les roues !» Le soir, donc, il alla se coucher comme d'habitude avec son épouse. Et dès qu'elle le crut endormi, elle se glissa hors du lit pour aller ouvrir la porte de la chambre, puis revint se coucher. Le petit tailleur, qui faisait seulement semblant de dormir, cria alors comme s'il rêvait. « Gamin, finis-moi cette veste et reprise le pantalon !» « Sinon, je vais te passer l'aune sur les oreilles. J'en ai abattu 7 d'un coup. J'ai tué 2 géants, capturé une licorne, pris un sanglier. Et ce n'est pas ceux qui sont devant la porte qui vont me faire peur. » En entendant ce que venait de dire le tailleur, l'épouvante les saisit. Et ils prirent leurs jambes à leur cou, fuyant comme s'ils avaient toute une armée de démons à leur trousse. Il ne s'en trouva plus jamais aucun pour vouloir se risquer contre lui. Et ce fut ainsi que le petit tailleur fut et resta toute sa vie durant le roi qu'il était devenu.